m'empêchait tranquille un peu râleur. Debout dès le matin, de bonne heure. Le soir, il rapportait filet plein de poissons. Mais un jour de la berge, il entendit son nom. Il fut le premier des 12 appelés à suivre Jésus, randonnée vérité. L'appel, c'est pas du vent, l'appel est dans le vent. Il y a l'appel du loupard, faut pas que je sois en retard. Le nez dans les poubelles, elle ramasse des trognons. Elle se salit les mains, partage et redonne. Elle a laissé les plaisirs, les tentations, pour devenir rayonnante une petite nonne. Il est de ces femmes, entre vie et passion, qui servent la misère sans se poser de questions. L'appel, c'est pas du vent, l'appel est dans le vent. Il y a l'appel au préservatif, faut que j'en parle au souverain pontif. Ils étaient sept, pour qui, pour toi? Ils étaient sept, chez qui, chez toi? Mais un jour d'enfer, sur leur robe blanche, de la couleur de la nappe, celle du dimanche, on a posé un couvert rouge sang. Nos moines sont morts et le diable est content. L'appel, c'est pas du vent, l'appel est dans le vent. Il y a l'appel aux larmes, pour que j'aille déposer les armes. Il y a les faux appels par de vrais insectes, près du mal-être, rôdent les sectes. Il y a bien sûr la libre opinion, mais aux faux prophètes il faut faire attention. Gueule qui tu es, et contre ces gens-là, sors tes griffes et protège-toi. L'appel, c'est pas du vent, l'appel est dans le vent. Y a l'appel des paranos pour te piquer ton âme et ton boulot. Il y a l'appel à partir ou à rester. Il y a l'appel à agir ou à se donner. Pour entendre, il suffit d'un tympan. Pour écouter, d'un cœur il suffit. Pour comprendre la musique et les mots dedans, il faut le bruit de l'autre ou le silence de l'infini. La réponse, c'est pas le vent, la réponse est dans le vent. Il y a l'appel à s'ouvrir à soi, faut pas rater ce moment-là.